L'écomobilité, c'est choisir de se déplacer en bus plutôt qu'en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. À vélo plutôt qu'en bus. Oui, réponse C. Non, réponse D.